A one, a two, a one, two, a one, two, three, four. Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, c'est votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses et variées, qui revient pour la 9e année de suite en ce début de mois de septembre. J'espère qu'on va passer une très bonne année ensemble. On a déjà passé un bon bout d'été, c'était sympa. On va continuer, la chaleur va finir par s'arrêter. On aura des temps un peu plus froids, mais on sera toujours présent. Aujourd'hui donc une émission un peu spéciale qui va attaquer, on va dire avec un petit côté reggae blanc, ska ensuite. Et pour commencer, c'est Starshooter avec l'album Fatigué. Et le morceau surtout Fatigué. Starshooter, c'était vraiment un groupe français que j'ai beaucoup apprécié dans mon jeune temps, qui ont fait plein d'albums plutôt rock carton, sauf le dernier qui s'appelle effectivement Fatigué et qui l'était un peu plus, mais qui reste pour moi l'un des meilleurs disques ou le meilleur qu'ils aient fait. On attaque avec ce morceau. Pour la liste des morceaux, vous pourrez vous référer soit à la page Facebook, soit au site de la radio, et c'est parti. Thank you. The militant join in angry procession. Retention tight with the strain of repression. Young black boy lay hot with aggression. Jawa! Fighting, fighting, Jawa! A two clothes frightening. The winds were blowing and stirring up reaction. The storm broke. A militant action, hotheads came in uniform. Thunder and lightning in a violent form. Jawa, fighting, fighting, Jawa. A two close frightening. The militant join the angry procession. The tension tight with the strain of repression. Young blood boiling hot with aggression. Jawa, fighting, fighting, Jawa. A two close frightening. Fighting, fighting, Jawa. A two close frightening. Jawa. A fighting, fighting, Jawa. Too close right now, a Jawa. Clarence Baker, no troublemaker, said the truncheon came down, knocked him to the ground. See the blood on the streets that day, the blood and the madness. Said the blood on the streets that day, yeah. Fighting, fighting, a Jawa. Fighting, fighting, Jawa. Fighting, fighting, fighting, a Jawa. Fighting, fighting, fighting, a Jawa. A Jawa. Fighting, fighting, a Jawa. Fighting. We'll be right back. malheureux, celui auquel les souvenirs d'enfance n'apportent que crainte et tristesse. Misérable, celui dont la mémoire est peuplée d'heures passées dans de vastes pièces solitaires et lugubres, aux tentures brunâtres et aux alignements obsédants de livres antiques et de longues veilles angoissées dans des bois crépusculaires, composés d'arbres absurdes et gigantesques, chargés de lianes qui, en silence, poussent toujours plus haut leurs bras sinueux. Tel est le lot que les dieux m'ont accordé, à moi l'étonné, le banni, le déçu, le brisé. Et pourtant, je me sens étrangement satisfait et m'accroche farouchement à ces souvenirs flétris lorsque mon esprit, pour un moment, menace d'aller au-delà, chercher ce qui est autre. À cause du froid, tu laisses le vieux monde derrière toi. Et même ciel n'existe pas. On fera comme si elle était là. Rendez-vous sur la colline ou sur les toits de la ville. Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube. Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube. La vie est un combat pour une place au soleil. La vie est un combat pour sortir des ténèbres. La vie jusqu'à présent ne t'a pas fait de cadeau. Normal car tu n'es pas le prince de Monaco. Ah si t'avais été le fils d'Alain Delon, tu serais pas comme un con à moisir en prison. T'aurais ta collection de cuir et de blousons, de princesses et de flûtes à ta disposition. Mais toi à la limite de tout ça tu t'en fous, car tu es plus que fier d'être le fils de personne. Je te vois à ta fenêtre et derrière tes barreaux. Sur l'horizon, t'attends la nouvelle aube. Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube. Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube. La vie est un combat pour une place au soleil. La vie est un combat pour sortir des ténèbres. La vie jusqu'à présent ne t'a pas fait de cadeau. Normal car tu n'es pas le prince de Monaco. Oh, oh, oh, oh, oh. Je te vois à ta fenêtre et derrière tes barreaux. Tu fixes l'horizon, t'attends la nouvelle aube. Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube. Attends. Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube. De personne, je te vois à ta fenêtre, t'es derrière tes barreaux. Tu fixes l'horizon, t'attends la nouvelle aube. Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube. Nouvelle aube, nouvelle aube, nouvelle aube. Yeah, long time many people have suffered. I was a choir boy, you showed me no heaven. titles should be lost. No remorse, ignoring the cause. Point ne sait où je suis né, mais le château était infiniment vieux et infiniment affreux, plein de passages obscurs et de hautes voûtes où l'œil, lorsqu'il se hasardait vers elle, ne décelait que nuit et toile d'araignée. Les pierres dans les couloirs gauchis semblaient toujours atrocement humides, et il régnait partout une odeur maudite, odeur de charnier, toujours renouvelée par les générations qui meurent. Il n'y faisait jamais jour. Il m'arrivait parfois d'allumer des chandelles et de chercher longtemps dans leurs flammes fixes et immobiles un soulagement ou un secours. Dehors non plus il n'y avait pas de soleil, car ces arbres haïssables s'élevaient bien au-dessus de la plus haute et de la plus inaccessible des tours. Il y avait pourtant une tour noire qui montait au-dessus des arbres dans le ciel inconnu de l'au-delà de la nuit. Mais elle était à moitié en ruine et l'on ne pouvait y monter qu'au prix d'une escalade presque impossible le long de sa muraille lisse.

All right. Now! J'ai dû vivre des années dans cet endroit, mais je ne peux mesurer le temps. Des êtres ont dû veiller sur moi et prévoir mes besoins. Pourtant, je ne peux me souvenir d'aucune personne à l'exception de moi-même, de rien de vivant en dehors de mes compagnons silencieux, les rats, les chauves-souris et les araignées. Je pense que la personne, quelle qu'elle fût, qui veilla sur mes premières années, devait être d'un âge incroyablement avancé, car ma première conception d'un être animé ressemble à une caricature de moi-même, déformée, réduite et pourrissante comme le château même. Pour moi, il n'y avait rien d'horrible dans les os et les squelettes qui jonchaient certaines des cryptes de pierre, profondément enfouies sous les fondations. C'est incroyable, mais j'associais ces choses à la vie quotidienne et les prenais pour plus naturelles que les images colorées d'êtres vivants que je rencontrais dans nombre de mes livres moisis. C'est dans ces ouvrages que j'ai appris tout ce que je sais. Je n'ai pas eu de précepteur pour me guider, pour me conduire, et je n'ai pas souvenir d'une voix humaine au cours de toutes ces années, pas même de la mienne, car si j'ai lu des livres qui parlaient du langage, je n'ai jamais essayé de parler à voix haute. Mon aspect physique, je n'y pensais jamais non plus, car il n'y avait pas de miroir dans ce château et je me considérais moi-même, automatiquement, semblable à ces êtres jeunes que je voyais dessinés et peints dans les livres. Et je me croyais jeune parce que j'avais peu de souvenirs. Time is straight and right. stability, the reason that we're so big. Living and dying and the stories that are true. Sink or do a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, red hair, Cadillac, yeah. Before the time bomb. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. Before the time bomb. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. Before the time bomb. Now he's gone, now he got free, he got a cook, got a car. He's only 1 year old, he's running numbers from the bar. He's paid his people, he's getting deep in. Whatever he can move on in, you know that kid will creep in. Black or white shoes, black hair, time bomb. Black or white shoes, black and Cadillac. The poison time bomb. Tattooed below his eye, his mother cried, she knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, his midnight sunroof is down. Three shots right out of here, I'm dead, the new king is crowned. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah, before the time bomb. Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah, before the time bomb. Dehors, par-delà les douves putrides, sous les arbres sombres et muets, souvent je m'allongeais et restais à rêver pendant des heures à ce que j'avais lu dans les livres, et plein de nostalgie, m'imaginais mêlé à quelques foules joyeuses et gaies dans le monde ensoleillé qui débutait au-delà de l'interminable forêt. Une fois, j'essayais de fuir cette forêt, mais plus je m'éloignais du château, plus l'ombre moite s'alourdissait et plus l'air se chargeait d'une terreur enveloppante. Affolé, je retournais sur mes pas, éperdu de panique à l'idée que je ne pourrais retrouver mon chemin dans ce labyrinthe de silence obscur. Shine away, I'll become a player of the way. lamps. No. Well. Has it ever come down to do or die? You got to rise above the rest. Tested. I'd like to think that if I was, I would pass. Look at the tested and think there before the grace go on. Might be a coward, I'm afraid of what I might find out. Never had to knock on wood, but I know someone who has. Which makes me wonder if I could. It makes me wonder if I never had to knock on wood. And I'm glad I haven't yet, because I'm sure it isn't good. That's the impression that I get. Ainsi, tout au long d'interminables crépuscules, je rêvais et j'attendais. J'attendais je ne sais quoi. Mais dans ma solitude noire, mon désir de clarté devint si fort et si poignant que je n'étais plus capable de me détendre, de me reposer, et que je tournais toujours mes regards et tendais toujours mes mains avides vers cette tour en ruine, sombre et solitaire, qui montait au-dessus de la forêt jusqu'au ciel inconnu de l'au-delà. Finalement, je me résolus à faire l'escalade de cette tour, dussé-je y périr, car mieux valait voir le ciel, quitte à en mourir, que de vivre sans jamais connaître le jour. We'll be right back. Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt, je serai vieux, et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses, ils ne m'ont pas dit grand-chose, ils sont partis. Ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier à 8h, Madame Bérange, la concierge, est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit. Tout en haut où nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et gentille, fidèle amie. Demain, on l'enterre rue des Saules. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour, quand elle a toussé, « Ne vous allongez pas surtout, restez assise dans votre lit. » Je me méfiais, et puis voilà, et puis tant pis. Dans ce in lots of noise, playing along with the art school boys. Girls try to attract his attention, but what a shame, it's in vain. Total rejection, he will never be left on the shelf. Cause Kevin, he's in love with himself. Oh, my perfect cousin, what I like to do, he doesn't. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte. Madame Bérange, à ceux qui m'ont connu, qui l'ont connu. Où sont-ils ? Knowing I'll be back at Echo Beach someday. Nonsense, but he lies on his side. Is he Je voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucans, que les toits s'écroulent, que le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse. Yeah. Elle savait, Madame Béhange, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je ne sais plus à qui écrire. Tous ces gens sont loin. Ils ont changé d'âme pour mieux trahir, mieux oublier, parler toujours d'autre chose. Jeune rebelle blanc, jeune guerrier urbain, pour un bain de sang, un meilleur lendemain. Jeune rebelle blanc, jeune guerrier urbain, pour un bain de sang, un meilleur lendemain. Oi, oi, en avant. Oi, oi, jeune blanc. Oi, oi, en avant. Oi, oi, jeune blanc. Jeune barbare, il n'est pas trop tard pour un coup d'éclat, pour changer tout ça. Jeune barbare, il n'est pas trop tard pour un coup d'éclat, pour changer tout ça. Oi, oi, en avant. Oi, oi, jeune blanc. Oi, oi, en avant. Oi, oi, jeune blanc. Oi, oi, en avant. Oi, oi, jeune blanc. Armée de jeunes loups, fiers et sans pitié, bande de jeunes loups, sauvages affamés. Armée de jeunes loups, fiers et sans pitié, bande de jeunes loups, sauvages affamés. Oi, oi, en avant. Oi, oi, jeune blanc. Oi, oi, en avant. Oi, oi, jeune blanc. Soldats de la rue, de nos trois couleurs, combat ce salut, c'est notre honneur. Soldats de la rue, de nos trois couleurs, combat ce salut, c'est notre honneur. Oi, oi, en avant. Oi, oi, jeune blanc. Oi, oi, en avant. Oi, oi, jeune blanc. Vous êtes toujours sur Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Il est 23h passé de quelques minutes, on vient d'écouter Bunker 84 et c'est l'heure de la dernière partie de l'émission dans laquelle on passe soit un live, soit un album marquant. Et cette semaine, c'est un album des Angry Samoans, magnifique groupe punk rock américain du début des années 80. Il s'appelle Back from Samoa et c'est parti.